Chapitre 12. Le tatouage de Jean Mareuil. Ce fut sans la moindre arrière-pensée que Lionel de Praz se présenta chez Jean Mareuil quelques instants après la rentrée du cabriolet, couvert d'une poussière blanche. Jean Mareuil, maintenant, ne l'intéressait plus que sous le nom de Freddy. C'était le Jean Mareuil nocturne qu'il fallait atteindre. Qu'importait dès lors du Jean Mareuil diurne ? L'autre était 100 fois plus vulnérable. Le valet de pied qui le reçut lui fit connaître que Jean Mareuil venait de rentrer en auto et qu'il s'habillait. « Veuillez lui dire que je suis là, » dit Lionel. On l'avait introduit dans une élégante bibliothèque dont la fenêtre donnait sur la cour de l'hôtel où le mécanicien arrosait copieusement le cabriolet. Jean Mareuil entra dans la bibliothèque, vêtu d'un large pyjama de toilette, noué par une ceinture à la taille svelte du jeune homme. « Il ne fallait pas vous déranger, » s'excusa Lionel. « J'aurais attendu que vous fussiez prêt. » « Quoi de neuf ?» dit Jean Mareuil en lui serrant la main vigoureusement. « Rien du tout. Je passais par ici, j'ai eu l'idée de vous cueillir au passage. » « Vous vous rappelez qu'il y a grand tam-tam à la maison, aujourd'hui, de 5 à 8, 5 o'clock, musique, etc. »« Je n'aurai garde de l'oublier. Si cela ne vous ennuie pas d'attendre un petit quart d'heure... »« Faites donc, cher ami, faites donc. J'arrive de mots à l'instant. Ces recherches d'archives dont vous m'aviez parlé, cela s'avance, votre bouquin ?»« Tout doucement. » Lionel s'aperçut que Jean Mareuil était dans l'un de ces jours de distraction où l'on avait toutes les peines du monde à le retenir sur terre, parmi les hommes. Depuis qu'il étudiait le phénomène de la conscience alternée, le comte de Praz attribuait fort judicieusement la cause de ses songeries à certaines inquiétudes vagues et pénibles qui assaillent parfois un sujet et l'obsèdent confusément par la sourde terreur qui provient d'inexplicables découvertes ou de pressentiments impossibles à préciser. Pour peu qu'il eût assisté à la conversation qui s'était tenue le matin même dans la boutique des époux Lefebvre, ce qui allait suivre l'eût encore affermi dans sa conviction. « Pagaie, dit Lionel, des papillons noirs ? Bah, qui n'a pas de soucis ? Vous n'avez pas trouvé là-bas ce que vous cherchiez ? Oui et non, dit Jean Mareuil. « Tenez, voici des cigarettes. Voulez-vous un livre ? J'ai là des notes d'équitation de Saint-Phal avec croquis. »« Donnez toujours, » accepta Lionel. Jean Mareuil se haussa sur la pointe des pieds pour atteindre le volume qui se trouvait presque hors de portée dans la bibliothèque. Dans ce mouvement, la large manche de son pyjama glissa jusqu'au coude et la vipère tatouée fut visible. Il connut que Lionel l'avait remarqué et ne tenta pas l'inutile entreprise de la dissimuler. « Diable, » dit-il seulement avec un pâle sourire, « vous voilà possesseur d'un petit secret. »« Quoi ?» se récria Lionel d'un ton enjoué. « Ce tatouage ? Je ne suis pas Gilberte et je ne tournerai pas de l'œil. » Un artiste japonais s'est livré sur moi ce petit travail d'art quand j'ai fait mon tour du monde. Il y a longtemps, « J'avais 17 ans. C'était la mode. Je trouve cela idiot aujourd'hui. Et si j'avais su prévoir que ma fiancée exécrerait les serpents, je vais vous demander un service. »« Accordé. Lequel ?»« Je vous demande de ne pas parler à Gilberte de ce tatouage malencontreux. Du moins, pas avant que je l'ai fait disparaître. C'est l'affaire du chirurgien. Ces petites opérations se pratiquent aisément. » « C'est entendu, parbleu, je ne dirai rien. Mais qu'attendiez-vous pour vous débarrasser de cela, puisque Gilberte a cette phobie des serpents ?»« Écoutez-moi, j'espérais l'en guérir, j'espérais lui ôter toute crainte de cette nature avant même qu'un mois fût écoulé. »« Comment cela ?»« Oui, j'espérais retrouver la vipère de Luversy, vivante ou morte. Je m'étais prise à cette idée. Et voilà que... » Lionel, attentif, l'encouragea. « Voilà que... »« Je me sens décidément incapable de mener à bien cette tâche. Je ne sais pourquoi. Elle m'ennuie, elle m'est désagréable. Bref, Quoique je sache pertinemment que la bête est morte, je renonce à m'en procurer les preuves, ce qui, au demeurant, ne serait pas facile. « Morte, cela est évident, » déclara Lionel. « Je m'efforcerai de faire partager cette certitude à Gilberte. Mais il ne faut pas m'en demander davantage. » C'est curieux, s'étonna Lionel, qui cachait de son mieux le tumulte de ses pensées. « C'est curieux, vous, l'homme aux lampes, l'homme aux clés. » « Oui, c'est curieux, en effet. Je ne me l'explique pas, je subis. C'est la première fois qu'une telle répugnance s'oppose à la satisfaction de mes goûts. N'en parlons plus. » « Comptez sur mon silence, » dit Lionel. Et, reprit-il, insinuant, « laissez-moi regretter que cette histoire de Luvercy reste pour Gilberte seule, un sujet d'effroi. Car, n'est-ce pas, vous le dites vous-même, comme nous le disons tous, excepté Gilberte, la vipère n'existe plus. Et je ne suppose pas qu'il y ait eu, sous ce drame, des complications mystérieuses. Vous ne le croyez pas ?»« Non, non, je ne le crois pas, » dit Jean Mareuil avec force. Gilberte s'est montrée assez émue d'une conversation. Vous lui avez parlé des charmeurs de serpents. Elle a admis, un instant, l'hypothèse qu'un criminel aurait dirigé la vipère noire et blanche vers son but, la chambre de ma pauvre tante. Hypothèse fantaisiste et que je me suis empressé de détruire, puisque tout, entendez-vous bien, tout nous prouve que personne ne s'est approché cette nuit-là de la chambre tragique hermétiquement fermée, à l'exception des deux cœurs percés dans les volets. Tout, n'est-ce pas ? « Tout, vous l'avez dit, » répéta Lionel fort paisiblement. « À moins qu'on admette l'existence d'une personne surhumainement silencieuse qui aurait guidé la vipère sans faire elle-même plus de bruit que la vipère, c'est-à-dire pas du tout. » « Ne cherchons pas midi à 14 heures et acceptons les faits dans leur simplicité. » Cependant, insista Lionel avec cruauté, « ces faits, dans leur simplicité, vous effraient. » « N'exagérons pas, cette affaire m'inspire de l'aversion, à moi aussi. Rien d'autre. »« Hum !» pensa Lionel. « Et tout haut, au cours de votre voyage aux Indes, vous avez, m'a-t-on dit, charmé des serpents ?»« Oui, c'est simple comme bonjour. » Mais un silence suivit, pendant lequel Lionel affecta d'examiner les livres de la bibliothèque en s'entourant d'une fumée odorante et bleue de tabac anglais. Il poursuivit d'une voix chantante, avec la légèreté de l'insouciance, « Vous n'êtes jamais allé à Luvercy ?» Faute de réponse, il fit volte-face et s'exclama, « Eh bien, vous voilà reparti pour le pays des rêves. Hé, Mareuil !» Il n'osa pas réitérer sa demande à propos de Luvercy. Une répétition lui eût donné plus d'importance qu'il ne le désirait. La réponse, d'ailleurs, était certaine, non. Jean Mareuil, en effet, s'il avait parcouru la vallée de Chevreuse sous les traits de Freddy la Couleuvre, ne pouvait pas s'en souvenir assez nettement pour l'avouer. Ces nuits-là n'auraient laissé dans son âme qu'une trace imperceptible, comme celle de ces cauchemars dont on ne sait plus si on les a rêvés ou imaginés, autrefois. « Nous allons être en retard, » coupa Jean Mareuil. « Nous bavarderons aussi bien tout à l'heure. Je cours m'habiller, pardon. »« Je vous en prie, » dit Lionel.